vois-je? Quoi? Je peine, et mon fils, et l'Empire, mon ennemi triomphe, et Jonatas expire. Et vous l'avez permis, traître, c'est à vos soins que je l'avais commis. Échapper au Dieu qui me poursuit, la victime m'était trop chère. Quelle fureur m'anime, où pourrais-je à mon tour trouver une victime? David devant mes yeux ose se présenter, le delphine à mes mots vient encore insulter. Avant-garde, reçois par mal, reçois le coup mortel que sa ville te prépare. S'oppose à mon juste courroux. Mille infidèles mains ont arrêté mes coups. Le ciel, du moins, le ciel m'a certaine. Frappez, lâche, frappez, contentez votre haine. Hélas, de quel espoir mon cœur s'est-il flatté? Ils sont pour me trahir assez de cruauté. Si je puis aujourd'hui l'entraîner en tombant, l'entraîner en tombant.